إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 16 dans l'explication de la manzouma de l'imam Ibn Abi Dawood al-Sajistani al-Ha'iyya avec le charh du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on commence maintenant l'explication du vers numéro 25 dans la version originale et le vers numéro 32 dans la version du Cheikh Salih al-Fawzan avec l'ajout des 7 vers. Et on va parler maintenant du sujet qui s'intitule Shafa'atun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Donc l'imam Ibn Abi Dawood al-Sajistani il dit: wa inna rasulallahi lil-khalqi shafi'un wa qul fi 'adab al-qabr haqqun muwaddah. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sera un intercesseur pour les hommes au jour de la résurrection. Et il dit également au sujet du châtiment de la tombe la vérité. C'est-à-dire, tu dois l'accepter, c'est quelque chose qui fait partie de la vérité qui a été clarifiée. Donc, dans ce vers, il y a ces deux éléments-là, l'élément de la question du shafa'a et la question du châtiment de la tombe. Cheikh Al-Fawzan, il dit: ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات والأبيات السابقة عدة مسائل. الأولى سؤال الملكين، الثانية عذاب القبر ونعيمه، الثالثة وزن الأعمال، الرابعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الخامسة مسألة أهل الكبائر من أهل القبلة، السادسة مسألة الشفاعة وهي المذكورة في هذا البيت. Donc le Cheikh explique que l'imam Ibn Abi Dawood al-Sajistani rahimahullah, dans les vers qui ont précédé et dans ces vers-ci, il mentionne donc plusieurs éléments, plusieurs questions de la aqida d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et parmi ces points-là, le premier, c'est la question des deux anges lorsqu'ils viennent poser la question aux morts. La deuxième, c'est la question du châtiment de la tombe ainsi que les délices de la tombe. Le troisième, c'est le fait que les œuvres seront pesées au jour de la résurrection. Le quatrième, c'est la foi en Al-Hawd, le bassin ou la fontaine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de laquelle les croyants vont boire au jour de la résurrection. Al-Khamisa, mas'alatu ahli al-kaba'ir min ahli al-qibla. La question qui a rapport avec les musulmans qui ont commis des grands péchés, quel sera leur sort dans l'au-delà et le fait qu'ils ne vont pas rester éternellement dans l'enfer. Donc ça, on l'a clarifié dans le cours ce matin. Le point numéro 6, c'est la question qui a rapport avec Ash-Shafa'a. Ça fait partie des éléments qui sont reliés à la aqida d'Ahl-Sunnah et c'est ce qui est mentionné donc dans ce vers. Et on va l'expliquer, inshallah. Le Cheikh dit: « وَالشَّفَاعَةُ مَعْنَاهَا الْوَسَاطَةُ الْوَسَاطَةُ فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ عِنْدَ مَنْ هَذِهِ عِنْدَهُ أو عِنْدَ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ والشفاعة تكون عند الله وتكون عند الناس فالشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند الناس فالناس تشفع عندهم ولو لم يأذنوا لك أما الله جل وعلا فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيأذن للشافع أن يشفع ولا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد أي من عصاة الموحدين وأما الكافر فلا شفاعة فيه ولا تقبل فيه شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين فالكافر لا تقبل فيه شفاعة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولو بذل الكافر أموال الدنيا يريد الفدية لم تقبل منه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به لا يقبل منهم عدل وهو المال الذي يفتدون به أنفسهم ولا يقبل فيهم شفاعة أحد بل هم قطعا من أهل النار خالدون مخلدون فيها. Donc, ça c'est l'explication que le cheikh donne pour commencer. Il dit que la ash-shafa'a, c'est qu'est-ce qu'on appelle en français le fait de prendre un intermédiaire. Le fait de prendre un intermédiaire entre nous et quelqu'un d'autre. Ça c'est dans la signification. Dans la langue, en arabe, on appelle l'intermédiaire al-wasata. Hein? Des fois, on dit en français aussi. On utilise parfois cette notion-là comme par exemple d'avoir une connexion. Hein? Je veux aller travailler dans telle compagnie. Hein? J'ai une connexion dans cette compagnie-là. Au Québec, on dit ça. Peut-être qu'ici en France, vous n'utilisez pas ça, cette expression-là. Nous, on dit j'ai une connexion. Et là, au Québec, on traduit beaucoup d'expressions anglaises en français. Ici en France, peut-être vous dites un contact. Il y a aussi un autre truc une autre expression que vous utilisez aussi. Je l'entends souvent dans la bouche des frères, mais bon, là ça me revient pas. Bon, c'est pour dire quelqu'un qui peut intercéder pour toi auprès de quelqu'un d'autre. Un piston. Donc quelqu'un qui peut intercéder pour toi auprès de quelqu'un dont tu veux quelque chose. Hein? Et donc peut-être que toi tu connais pas la personne dont tu veux la faveur. Donc tu as recours à quelqu'un par exemple qui connaît cette personne et que toi tu connais qui va aller lui parler pour toi et qui va faire en sorte que tu pourras obtenir la faveur que tu veux. Donc ça c'est l'intercession dans quelque chose de la dunya. Et islamiquement c'est permis d'avoir ou de prendre ou d'avoir recours à un intercesseur dans la dunya pour les affaires de la vie d'ici-bas. Et la personne qui intercède pour quelqu'un d'autre, il est récompensé de faire ça si c'est une intercession dans le bien. Si c'est le fait d'aider quelqu'un dans quelque chose de bien, dans ce cas-là, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait une chose pareille. Donc ça, c'est l'intercession entre les hommes, entre eux-mêmes, durant cette vie. En ce qui concerne la shafa'a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, elle est différente. Elle est différente de l'intercession entre les hommes dans cette dunya. Donc, les distinctions ou les différences entre les deux, c'est que dans cette vie, quelqu'un peut aller demander l'intercession de quelqu'un, même si cette personne-là n'a pas, il ne lui a pas donné sa permission de le faire. C'est-à-dire, tu peux aller intercéder auprès de quelqu'un, tu peux demander à quelqu'un d'intercéder pour toi, ou bien tu peux cette personne-là, la personne à qui tu demandes peut aller intercéder auprès de celle-ci sans que cette personne-là soit d'accord ou sans qu'elle accepte. Comme par exemple, un roi. Lorsque toi, tu connais pas le roi ou le président, puis tu veux avoir une faveur. Donc, tu vas demander à quelqu'un qui le connaît ou qui peut te rapprocher de lui. Et cette personne va aller donc demander au roi pour toi. Cette personne n'a pas besoin de demander la permission nécessairement du roi pour aller intercéder auprès de lui. Pourquoi? Parce que, d'une certaine façon, le roi parmi les hommes, il a besoin de cette personne. Il a besoin de ce conseiller ou de cet intermédiaire pour lui rendre quelques services. Dans le sens que le roi, c'est sûr que la personne qui va lui demander, il est en dessous. Et c'est sûr que par rapport au roi, il est plus bas. Mais le roi, il a besoin de ses conseillers. Il a besoin des services de ses conseillers. Donc, même si ça ne lui plaît pas d'intercéder parfois, il est parfois obligé de le faire parce que justement, il a une faveur à rendre à quelqu'un ou on lui a fait une faveur, donc il doit la rendre ou pour différentes raisons de ce genre. Donc, on peut intercéder auprès du roi ou auprès du président, par exemple, sans que cela lui plaise ou sans que ce soit avec sa permission ou son accord. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et ça, c'est une des différences par lesquelles on peut réfuter les gens qui demandent l'intercession au lieu de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ils la demandent à une créature. Ils la demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement au lieu de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on leur répond en disant que on ne demande pas l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on la demande à Allah subhanahu wa ta'ala puisque personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et il mentionne les preuves à ce sujet-là dans sourate Al-Baqarah, le verset 255: Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Qui peut intercéder auprès de lui excepté avec sa permission? Donc, c'est-à-dire personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission, là, la personne peut venir et lui demander et intercéder en faveur de quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est la première condition. Ensuite, pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte d'intercéder envers quelqu'un, il faut que cette personne pour qui on intercède fasse partie des gens du tawhid. C'est-à-dire que il ne faut pas que cette personne-là ait commis du shirk. Hein? Donc, il faut que ce soit une personne qui est musulmane et qui est sur le tawhid, c'est-à-dire un parmi les musulmans qui a commis des péchés, quelqu'un qui est sur le tawhid mais qui a commis des péchés. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en sa faveur pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse une faveur quelconque. En ce qui concerne le kafir, le mécréant, il ne peut pas avoir droit à aucune forme d'intercession. Le kafir, l'intercession ne sera jamais acceptée pour lui. Et le cheikh, il mentionne des versets à ce sujet-là, comme le verset 18 dans sourate Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ma lidhalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Pour le mécréant, pour les injustes, il n'y aura pas d'amis ni d'intercesseurs écoutés. Ma li dhalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Et le verset 48 dans sourate Al-Muddassir, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. L'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucun profit ou d'aucun bienfait. Donc, pour le kafir, il n'y a pas d'intercession possible. Peu importe que la personne le demande l'intercession ou non, elle ne sera jamais, on ne pourra jamais accepter qu'on intercède pour elle. Et il mentionne également le verset 123 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. Et craignez le jour dans lequel aucune âme ne profitera à une autre en quoi que ce soit. Et on n'acceptera d'elle aucune compensation et on n'acceptera pas non plus, hein, on n'acceptera d'elle non plus aucune intercession. C'est-à-dire aucune intercession ne sera bénéfique pour elle. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. C'est-à-dire aucune intercession ne sera bénéfique pour elle, c'est-à-dire pour cette âme, c'est-à-dire l'âme du mécréant. Donc le cheikh il dit, وَلَوْ بَذَلَ الْكَافِرُ. Donc si le mécréant donnait en compensation ou en échange de, yani, de cette intercession ou bien du fait de se faire exempté du châtiment, si ce kafir donnait la quantité d'or comparable à la terre entière, et même s'il donnait tout ce qu'il y a sur la terre pour être exempté du châtiment, ce ne serait pas accepté de lui. Et le cheikh il mentionne le verset 91 dans sourate Al-Imran à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui ont mécru et qui sont morts alors qu'ils sont mécréants, alors qu'ils sont kuffars, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas d'eux, même s'il donne, n'acceptera rien d'eux, même s'il donne le contenu de la terre en or, même s'il donne le contenu de la terre entière en or, hein, pour compensation, pour être exempté du châtiment, on n'acceptera d'eux aucune compensation. Hein, et ça c'est l'argent ou le bien par lequel il voudrait essayer de se racheter. Il voudrait essayer d'avoir une exemption pour ne pas être puni. Hein, ce jour-là, c'est comme ça. Dans cette vie d'ici-bas, on sait que souvent, c'est ces personnes qui ont de grandes richesses ou qui ont beaucoup d'argent, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose et que cette chose-là, il y a beaucoup de gens qui le veulent, et, ou bien qu'il y a un grand, grand besoin, ils sont prêts à dépenser de leur richesse tout ce qu'ils possèdent pour parfois essayer de sauver leur vie ou sauver la vie de leurs proches, et ils seraient prêts même à donner des millions pour arriver à ça. Hein? Toutefois, ce jour-là, même s'ils étaient riches dans cette dunya, ça ne leur servira à rien. Ça ne leur servira en rien. D'accord? On n'acceptera pas d'un kafir aucune intercession ce jour-là, et le kafir, c'est certain qu'il sera dans l'enfer pour l'éternité et qu'il va demeurer éternellement en enfer. فهذه الشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين. الأول إذن الله للشافع أن يشفع والثاني أن يكون المشفوع فيه من عصاة الموحدين. Donc il y a deux conditions qu'on a mentionnées pour que l'intercession ait lieu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première condition, comme on a dit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission pour qu'on intercède auprès de lui, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission à l'intercesseur de venir intercéder. Et deuxièmement, la personne pour qui on intercède doit faire partie des pécheurs parmi les muwahhidin, c'est-à-dire ceux qui sont sur le tawhid. Donc les pécheurs parmi ceux qui sont musulmans, qui ont respecté le tawhid. Amma al-makhluq fatashfa'u 'indahu wa law lam ya'zan laka bish-shafa'ah wa law lam yarda 'an al-mashfu' fih. Qad yubghidu al-mashfu' fih wa yawaddu an yaqtulahu aw yantaqima minhu wa la yarda 'anhu walakin yaqbalu ash-shafa'ah fih muttarran لحاجته للناس والوزراء والأعوان فلو رد شفاعتهم لتنكروا عليه فهو يتألفهم ويقبل شفاعتهم ولو كان لم يأذن ولو كان لا يرضى عن المشفوع فيه. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la créature, comme on a expliqué tout à l'heure par rapport à l'intercession, eh bien, quelqu'un peut aller intercéder auprès d'un roi ou d'un président, même si ce roi et ce président, par exemple, n'a pas accepté. Hein, même si ce roi et ce président n'est pas satisfait de la personne pour qui on demande l'intercession. Peut-être même que ce roi déteste la personne pour qui on demande l'intercession, et même il souhaiterait peut-être même le tuer s'il pouvait, ou se venger de lui, hein, et il n'est pas satisfait de lui. Mais c'est presque pour dire qu'il est obligé d'accepter son intercession à cause du fait qu'il a besoin de ses ministres et qu'il a besoin de ses conseillers et de ses aides, des gens qui l'entourent. Hein? Qu'est-ce que serait un roi sans son entourage? Qu'est-ce que serait un roi sans ses conseillers, sans les gens qui sont autour de lui et qui l'aident et qui le conseillent? Donc, d'un certain point de vue, il a besoin de ces gens-là qui sont autour de lui. Et s'il ne leur rend pas des services ou des faveurs, eh bien, il risquerait peut-être de se rebeller contre lui, ou bien parfois de le détester ou des choses de ce genre. Et donc, pour les rapprocher de lui et pour avoir leur sincérité, ainsi de suite, pour qu'ils restent fidèles à lui, ainsi de suite, parfois ils sont forcés parfois d'intercéder en faveur de certains, même lorsqu'ils ne veulent pas le faire. Hein? Donc ça, c'est un exemple par rapport à ce qui se passe dans la dunya chez les créatures. Amma Allah jalla wa ala fala yashfa'u ahadun indahu illa bi'iznihi wa la yashfa'u indahu illa fi usat al-muwahidin ou fi usat ahli al-tawhid wa hadha huwa al-farq bayna al-shafa'atayn. En ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut intercéder auprès de lui excepté sans sa permission, et cette intercession ne peut être que pour les gens qui sont sur le tawhid et qui ont commis des péchés. Ça, c'est la différence entre les deux catégories ou les deux sortes d'intercession, celle par rapport aux créatures entre elles et celle par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. فَالشَّفَاعَةُ عِنْدَ اللَّهِ حَقٌ بِهَذَيْنَ الشَّرْطَيْنِ وهي الشفاعة المثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة في الكفار أو الشفاعة التي تكون بغير إذن الله. فالشفاعة شفاعتان كما قال العلماء: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Donc, le cheikh explique que donc, l'intercession auprès d'Allah, elle est véridique si elle respecte ces deux conditions. On l'accepte et on dit qu'elle est vraie si c'est dans ces deux conditions-là. Et ça, c'est l'intercession qu'on appelle ash-shafa'atul musbata, c'est-à-dire l'intercession affirmée, celle qui est affirmée. C'est-à-dire celle-là, on l'affirme. Toutefois, il y a une autre catégorie d'intercession qu'on nie, on ne l'affirme pas, et c'est l'intercession pour les koufars, ou bien l'intercession qui est faite sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique par la suite, il dit que donc l'intercession est de deux catégories, comme les ulama l'ont expliqué, celle qui est affirmée et celle qui est niée. Et il mentionne donc les versets pour montrer qu'il y a une catégorie qui est niée. C'est par exemple le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, les deux versets, que فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité, c'est-à-dire les mouchrikounes et les kuffars. Et pour les injustes, il n'y aura pas d'amis ni intercesseurs écoutés. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que les gens, par exemple, qui, comme on va probablement y aller, le cheikh il l'explique dans d'autres cours, il dit, qu'est-ce qu'il dit, dans d'autres explications, dans d'autres livres, il dit: ceux qui demandent l'intercession au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là font partie en réalité du mushrikoun. Donc ils n'auront pas l'intercession, ils n'auront pas droit à cette intercession-là. Pourquoi? Parce que l'intercession, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le droit de la demander à quelqu'un autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout si c'est, yani, lorsque la personne est vivante, on peut lui demander. C'est-à-dire, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba pouvaient aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam puis lui demander d'intercéder pour eux. Et dans ce cas-là, c'était permis. Mais une fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort et enterré, on n'a plus le droit maintenant de lui demander d'intercéder pour nous, puisqu'il ne peut pas nous entendre et il ne peut rien faire pour les créatures en ce moment, puisqu'il est dans une autre dimension maintenant, il attend la résurrection comme le reste des âmes qui sont décédées. Donc, ça c'est un exemple, et le cheikh il dit donc, قد يأتيك من يقول الشفاعة لا تقبل بدليل هاتين الآيتين فتقول هناك آيات تدل على قبول الشفاعة كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهي تدل على قبول الشفاعة بشرطين أن يأذن الله بها وأن يرضى عن المشفوع فيه فليست كل الشفاعة مثبتة وليست كلها منفية لا بد من التفصيل على حسب ما جاء في الأدلة. Le cheikh explique, il dit que c'est possible que quelqu'un te vienne et te disent par exemple qu'il n'y a pas d'intercession acceptée du tout, avec c'est-à-dire en se référant aux deux versets qu'on a mentionnés, que l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité, ou bien qu'il n'y aura pas pour les injustes aucun ami ni aucun intercesseur écouté. Parce qu'il y a des sectes ou des groupes d'égarements qui ont nié la shafa'a, comme par exemple les Mu'tazila et les Khawarij. Ils n'acceptent pas l'intercession. Ils disent qu'il n'y aura pas d'intercession pour les musulmans qui ont fait des grands péchés, puisque pour eux, ce sont des kuffars. Ceux qui font des grands péchés, pour eux, sont kuffars. Donc, ils nient l'intercession pour les grands pécheurs parmi les musulmans. Et le cheikh, il dit, on répond à cette objection-là ou à cette parole, qu'il y a d'autres versets dans le Coran qui indiquent qu'il y a l'acceptation d'une intercession. Et il mentionne donc le verset dans Surat al-Baqarah 255, dans Ayat al-Kursi, « Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni » qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission. En voulant dire que on ne peut intercéder auprès de lui, excepté qu'avec sa permission. Excepté avec sa permission. Donc ça c'est la première condition. Et l'autre verset, wala yashfa'una illa liman irtada. C'est-à-dire qu'il n'intercède auprès de Allah subhanahu wa ta'ala que pour celui qu'il a agréé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte qu'on intercède que pour ceux qu'il a agréé. C'est le verset 28 dans Surat al-Anbiya. Et le verset 26. Dans Surat al-Najm, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et combien d'anges dans les cieux, leur intercession ne pourrait servir à rien, excepté pour celui, excepté après que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la permission, et pour celui qu'il a voulu et qu'il a agréé. » Donc, même les anges dans le ciel, leur intercession ne pourrait rien servir à quelqu'un, excepté après que Allah ait permis que ces anges intercèdent, et pour qui? Pour ceux que Allah a voulu et pour ceux qu'il a agréé. Donc ça c'est la preuve qu'il y a une catégorie d'intercession qui est approuvée et acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est avec les deux conditions qu'on a mentionnées, que Allah ait donné la permission, c'est-à-dire qu'il ait donné la permission et qu'il a agréé la personne pour laquelle on demande l'intercession. Donc c'est pas toute intercession qui est affirmé, et ce n'est pas n'importe quelle intercession non plus qui est niée. Il faut détailler selon ce qui est mentionné dans les textes et dans les preuves. والقرآن لا يضرب بعضه ببعض وإنما يجمع بين الآيات ويوفق بينها ويفسر بعضها ببعض ويقيد بعضها ببعض هذه طريقة الراسخين في العلم. Le cheikh, il dit qu'on doit pas faire, on doit pas prendre les versets du Coran et les frapper les uns contre les autres. Hein? C'est-à-dire, tu prends un verset, hein, on voit que dans un verset, il y a la négation de l'intercession. Et dans un autre verset, on voit, il y a l'affirmation de l'intercession, mais avec condition. Donc, on réunit les textes ensemble pour les comprendre. Hein? Et c'est comme ça qu'on les comprend. Et donc, c'est comme ça qu'on explique et qu'on comprend le Coran. Donc, les versets, quand on les ramène ensemble, on arrive à les comprendre correctement. Et ça, c'est la voie des gens qui sont fermement enracinés dans la science. C'est comme ça qu'ils comprennent le Coran. Et juste en passant par rapport à cette question, il y a un point que j'aimerais juste mentionner. Souvent, on entend parler, par exemple, des gens qui disent, hein, à propos des salafis, des gens qui suivent la voie des salafs, ils disent, vous suivez le sens apparent du Coran. En voulant dire, vous êtes des littéralistes. Ils disent, vous êtes des littéralistes, vous suivez le sens littéral du Coran. Et parfois, ils ne comprennent pas nécessairement, mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent dire par le sens, par le mot littéraliste ou littéral. D'accord? Puisque, yani, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'écouter et d'obéir à ses ordres et d'obéir à son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en principe, on doit écouter et obéir à ce qui est mentionné dans le Coran, littéralement, et à la Sunna également, de façon littérale. Hein? Et il y en a qui disent il faut pas prendre ou il faut pas suivre le Coran à la lettre. Yani, subhanallah. Donc le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé, il est dans un arabe pur et clair. Donc on le prend et on le comprend littéralement et on le prend à la lettre. Sinon, qu'est-ce que ça signifierait de ne pas être littéraliste? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on trouve un sens ésotérique à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on l'interprète différemment. Même par exemple, quelqu'un d'entre nous par exemple, s'il a des enfants et qu'il demande à ses enfants par exemple d'aller faire quelque chose, est-ce que ses enfants vont lui répondre et lui dire je ne vais pas prendre tes paroles littéralement, je vais chercher un sens ésotérique à ta parole? Hein, si on commençait à faire ça, ça veut dire qu'on n'affirmerait rien de ce qui est dans la révélation. Et il y a effectivement des sectes d'égarement qui ont dévié dans l'islam, hein, et qui sont même considérés par les ulama comme étant en dehors de l'islam, justement parce que pour eux, il y a un sens apparent et un sens caché au Coran. Et ils disent que le sens qui est caché dans le Coran, personne ne peut le connaître excepté des initiés. Hein, les personnes qui ont été initiées à leur secret. Donc pour eux, tout ce que tu lis dans le Coran, il n'est pas à prendre hein, tel quel. Il y a une autre signification secrète que seuls eux connaissent ainsi que leurs initiés. Et donc pour eux, il n'y a rien qui est obligatoire dans l'islam. Ni la prière, ni le jeûne, ni les choses. Hein, il n'y a rien d'interdit non plus. Toute chose qu'il trouve dans le Coran, la salat, il l'interprète par autre chose. Hein? Et il déforme sa signification. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les Batiniyoun. Les Batiniyoun, c'est des groupes ou des sectes ésotériques. Eux, ils disent que les prophètes, quand Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés en réalité, eux, ils croient, de toute façon, ils ne croient pas réellement en quelque chose qui s'appelle la prophétie. Pour eux, la prophétie, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est quelque chose qui s'acquiert par ton intelligence. D'accord? Quelqu'un devient prophète quand il est très intelligent. Pour eux, c'est comme ça. Et ils s'imaginent aussi que tout ce qui a été mentionné par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas des choses vraies. Ils disent que les prophètes, quand ils parlaient aux hommes, ils disaient ces choses-là juste pour les faire obéir en réalité. Parce que, selon eux, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait d'obéir et de faire les choses qu'il leur disait, ils n'allaient pas écouter. Donc, il leur inventait ces histoires-là pour les amener par la suite à lui obéir. Et ça, c'est la parole de ceux qu'on appelle justement, comme j'ai dit, les Batiniyoun. Donc, ils ne croient pas au paradis. Ils disent que c'est symbolique et allégorique. Ils ne croient pas à l'enfer. Ils disent que c'est pas réel. Il n'y a pas réellement un paradis ou un enfer. Et c'est pour ça que les ulama ont déclaré ces gens-là des kuffars. Et ce sont en réalité des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais ils se font passer pour des musulmans alors qu'ils n'ont rien à voir avec les musulmans, comme par exemple les ismaélites, les nusayriya, les druzes, hein, puis ces sectes-là qui se présentent comme étant musulmans et qui se disent également parfois chiites, hein, qui font partie des sectes des chiites. Même les rafidah, qui est la secte qui est déviée de l'islam, complètement en dehors de l'islam, eux-mêmes sont en dehors de l'islam, ils les considèrent kuffars. Ils considèrent les ismaélites en dehors de l'islam. Donc imaginez. Et ces mouvements ou ces groupes-là, eux, ils disent on ne doit pas prendre le sens apparent de ce qui est dans la révélation, on doit trouver leur sens caché, ou leur signification secrète. Donc ça, c'est un exemple de ça. Donc le Coran et la Sunna, les ulama ont expliqué que tout ce qui est dedans, on doit le prendre dans son sens apparent et dans son sens clair. Si un verset n'est pas à prendre dans son sens clair et apparent, il faut qu'il y ait une preuve à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un autre verset ou un autre hadith qui mentionne justement qu'on ne doit pas le prendre dans son sens apparent. Sinon, on ne peut pas le faire. Dans le sens que les ulama de l'islam, quand ils traitent d'un sujet ou d'une question dans l'islam, ils réunissent tous les versets et tous les hadiths qui parlent d'un sujet. Et ils les étudient et après ils établissent les points et les règles à dire à ce sujet-là. Et prendre le sens apparent de la révélation, c'est ce que ça signifie. De prendre les versets qui parlent d'un sujet tous ensemble et les hadiths et ensuite d'établir les règles et les conditions et d'extraire les verdicts et les jugements dans la révélation à partir de ça. Donc ça, c'est de prendre la révélation dans son sens apparent. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un verset dans le Coran tout seul qui parle de quelque chose et ils laissent tous les autres et ils laissent tous les hadiths de côté et ils prennent juste un verset ou un hadith et puis ils disent bon, je vais l'appliquer sans regarder qu'est-ce que les autres versets disent, sans regarder ce que disent les autres hadiths, et ils disent par la suite, ça c'est d'appliquer le Coran à la lettre ou ça c'est d'appliquer le sens apparent de la révélation. Et ça c'est une erreur, parce qu'il y a personne parmi les ulama qui font ça. Il n'y a personne parmi les ulama qui vont prendre un verset et qui l'applique de cette manière-là. Hein? Ils mettent les versets ensemble, après ils les appliquent. Sinon, qu'est-ce qui arrive comme conséquence? Quelqu'un prend un verset tout seul, il dit « bon, je vais l'appliquer ». Donc il voit par exemple un verset dans le Coran qui dit « فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » Tuez les mushrikines où que vous les trouviez. Donc il prend ce verset, il dit bon ça y est, je vais aller tuer tous les mushrikines, partout que quand je vois des mushrikines dehors, je vais les tuer. Il ne prend pas en considération les autres versets et les autres règles qui clarifient ces versets-là, qu'il y a des conditions et il y a des règles et ce n'est pas comme ça qu'on l'applique. Donc il faut comprendre qu'on dit oui, il faut suivre le sens littéral du Coran et il faut prendre le Coran dans son sens apparent, mais en même temps, il ne faut pas commencer par exemple à prendre un verset en dehors de son contexte puis à essayer de l'appliquer dans ce qui est contraire à ce que les autres versets ont expliqué et clarifié. Donc ça c'est juste un point que je voulais clarifier en même temps, parce que il y a des gens qui disent justement, des salafis, qu'ils sont littéralistes, et on dit oui on est littéraliste alhamdoulilah, dans le sens que quand il y a une question, on met les versets ensemble, tous les versets et tous les hadiths qui concernent une question, on les analyse, on les étudie et après on établit les règles et les conditions et les principes et on extrait les verdicts de ces versets et de ces hadiths-là pour les appliquer. Mais ce n'est pas littéraliste comme eux, ils essaient de le faire croire ou de le faire comprendre. D'accord? Et quand vous retournez dans les livres de Usul al-Fiqh, Les ulama de Usul, ils ont parlé justement de des questions comme par exemple al-nas, al-dahir, al-mujmal, al-mubayyin, yani al-nas al-mu'awwal. Donc toutes ces questions-là ont été expliquées et analysées et clarifiées par les ulama de l'islam. Donc c'est pas quelque chose de nouveau ou quelque chose que les gens vont commencer à essayer de se moquer des musulmans avec ces questions-là. Parce que vous avez des gens comme par exemple Tariq Ramadan, que Allah le guide, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je suis un salafi, mais je suis un salafi réformiste, tandis que les autres sont des salafis littéralistes. Allah al-Musta'an, quelle sorte de réforme tu veux faire? Hein? La réforme, si tu veux faire la réforme, ça doit être en accord avec le Coran et la Sunna. Et tu dois suivre l'explication et la clarification et la voie des salafs salih dans cette réforme. C'est-à-dire, comme les ulama ont expliqué par rapport à la réforme, que c'est de purifier la religion de toutes les innovations qui ont été rajoutées et toutes les falsifications et les fautes et les erreurs qui ont été ramenées dans l'islam pour ramener l'islam dans sa pureté originelle. Mais non pas de dire on va réinterpréter les textes à la lumière de la société occidentale pour que l'islam soit accepté par les laïcs. Et si quelqu'un commence à réinterpréter l'islam pour faire plaisir aux koufars, alors là, bien entendu, ça c'est pas de la réforme, mais c'est de la déformation et de la falsification de l'islam. Hein? Donc, de dire par exemple que on n'est pas littéraliste, on est réformiste ou des trucs de ce genre, ça c'est des manières qu'il utilise justement pour jouer avec les gens. Et on sait très bien que lui ainsi que son grand-père et ceux qui suivent cette voie n'ont rien compris du tout de toute façon à la salafia, puisque même son grand-père, Hassan al-Banna, le fondateur de la secte des frères musulmans, disait que son groupe était une secte ou un groupe salafi soufi. Comment quelqu'un peut être salafi et soufi en même temps? Donc, puisque l'un est basé sur la bid'a, et l'autre, c'est de suivre la sunna. Donc, ça, c'est la preuve que cet individu-là n'a jamais rien compris, ni son grand-père, ni lui, à la salafia telle qu'elle est réellement. D'accord? Donc, ça, c'est juste un point en passant que je voulais mentionner. Le shaykh, il dit, « Fala yu'khadhu tarafun wa yuqalu al-shafa'atu thabitatun li kulli ahad, kama yaqulu al-quburiyun wal-mushrikun min qabl. » قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يطلبون الشفاعة وهم يشركون بالله هذه شفاعة باطلة منفية وهناك من ينكر الشفاعة مطلقا كالخوارج كالمعتزلة والخوارج أما أهل السنة فهم وسط في هذا الباب فقالوا الشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فنحن لا ننكر الشفاعة مطلقا ولا نثبتها مطلقا بل لا بد من التفصيل جمعا بين الآيات في هذا الباب وهذا هو الفقه في دين الله عز وجل وهذه طريقة الراسخين في العلم. Donc le cheikh explique, il dit que il dit que le Coran, on ne doit pas le frapper, on ne doit pas frapper ces versets les uns contre les autres. Ça, on l'a expliqué tout à l'heure. De même qu'on ne doit pas non plus frapper le Coran avec la Sunna pour essayer de les faire s'opposer les uns les autres. Hein? Puisque cette religion, hein, les versets du Coran sont en harmonie les uns avec les autres, puisque c'est la parole d'Allah. Il n'y a pas de contradiction dans la parole d'Allah et il n'y a pas de contradiction entre la Sunna et le Coran également. On ne prend pas une partie pour laisser l'autre. وَيُقَالُ الشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ. Hein, donc on ne va pas prendre un côté comme ceux qui ont exagéré, qui ont dit la shafa'a c'est pour tout le monde, comme le disent certains qui adorent les tombes, hein, et parmi les gens qui font le shirk, hein, avant ils affirmaient des intercesseurs entre eux et Allah, hein, et ils les adoraient en dehors d'Allah et ils prétendaient que c'était des intercesseurs pour eux, comme le verset 18 dans sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires, hein, auprès d'Allah. Ça, c'était le shirk des mushrikoun dans le passé. Ils prenaient leurs idoles et leurs saints ou leurs morts ou les hommes pieux qu'ils connaissaient dans le passé, ils les prenaient comme des intermédiaires et ils disaient que ces hommes pieux-là allaient les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était ça leur shirk. Comme par exemple, ils se disaient que, si nous on demande à Allah subhanahu wa ta'ala directement, ils disent que Dieu ne va pas nous accepter. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on est des pécheurs. Donc, pour que notre invocation ou notre prière soit acceptée d'Allah, il disait qu'il fallait passer par des hommes qui sont pieux, qui sont purs, et eux, ils vont leur donner nos prières à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans ce verset-là, que ça c'est le shirk des mushrikoun. Les mushrikoun à la Mecque, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que les gens aujourd'hui qui adorent les tombes, c'est ça leur shubha. C'est ça leur erreur. Ils prétendent qu'ils ont besoin de passer par des intermédiaires pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ça, les déclare des mushrikoun à cause de ça. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et à la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Alors après, Allah dit: ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent: ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, à ces mushrikoun: est-ce que vous allez dire à Allah, ou est-ce que vous allez informer Allah de ce qu'il ne connaît pas, ni dans les cieux et sur la terre? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Allah ne connaît pas? Qu'est-ce que Allah ne connaît pas? C'est ce qui n'existe pas. Qu'est-ce que Allah ne connaît pas? Qu'est-ce qui n'existe pas? Donc ça veut dire, ça n'existe pas. Ces intermédiaires que vous prenez en dehors d'Allah, ils ne peuvent rien faire pour vous. Et il dit que Allah soit exalté de ce que ces gens-là lui associent. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, c'est-à-dire qu'ils font, ils commettent le shirk en faisant ça. Et c'est ça la shafa'a qui est fausse, et c'est ça la shafa'a qui est niée. Ils recherchent l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en passant par des morts, en passant par des saints, en passant par des tombes, en passant par des anges ou d'autres créatures, au lieu de demander l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala, ou au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala directement. Il passe par un prophète, il passe par un saint, il passe par un ange, il passe par une image, il passe par un djinn. Tout ça c'est rejeté, tout ça c'est pas accepté. Le cheikh il dit, il y a des gens qui nient complètement l'intercession. Donc il y a un extrême, ceux qui affirment l'intercession pour n'importe qui et pour n'importe quoi, comme les mushrikoun, et il y a l'autre extrême, ceux qui nient l'intercession de façon absolue, comme on a dit tout à l'heure, les Mu'tazila et les Khawarij. En ce qui concerne les gens d'Ahl Sunna, ils sont dans le juste milieu dans ce sujet-là, c'est-à-dire, ils disent que l'intercession, il y en a deux sortes. Celle qui est affirmée, c'est-à-dire celle qui est en accord avec les textes et qui est vraie, et celle qui est niée, c'est-à-dire celle qui est rejetée parce qu'elle contredit les conditions. Le cheikh il dit, فَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ الشَّفَعَ مُطْلَقًا وَلَا نُثْبِتُهَا مُطْلَقًا. Donc on n'affirme pas l'intercession et on ne la nie pas de manière absolue, c'est-à-dire on ne la nie pas de façon absolue et on ne l'affirme pas de façon absolue. Il faut plutôt détailler dans la question pour réunir les textes ensemble à ce sujet-là. Et vous allez constater justement que dans la majorité des cas, quand des groupes ou des sectes d'égarement ont dévié, c'est parce qu'ils ont pris une partie des textes et ils ont laissé les autres. En grande partie, c'est comme ça. Dans la majorité des questions de aqida dans lesquelles on a vu apparaître des sectes, la raison pourquoi ces gens-là ont dévié dans les différentes questions, c'est parce qu'ils ont pris une partie des textes qui mentionnaient quelque chose et ils ont laissé de côté les autres. Et donc, ils n'ont pas compris la question dans sa globalité, et donc, ils sont tombés dans l'égarement. Ils n'ont pas su réunir entre les textes. Et le cheikh, il dit qu'en réalité, c'est ça d'avoir la compréhension de la religion d'Allah. D'avoir la compréhension de la religion d'Allah, c'est d'être capable, justement, de réunir entre les textes et de les mettre ensemble en harmonie. Et ça, c'est la voie des « rasikhuna fil ilm ». Et si vous regardez dans le verset 7, dans surat Al-Imran, vous allez comprendre de quoi le cheikh, à quoi le cheikh fait allusion à ce sujet-là. Le cheikh dit: wa qawl an-nazim rahimahullahu ta'ala wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lil khalq shafi'un ash-shafa'atu al-muthbata anwa' minha ma huwa khas bin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa minha ma huwa mushtarak baynahu wa bayna ghayrihi من الملائكة والأولياء والصالحين والأفراد أما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو عدة شفاعات. Le cheikh explique que l'imam Ibn Abi Dawood rahimahullah, il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم sera un intercesseur pour la créature, c'est-à-dire pour les hommes. Et la shafa'a qui est affirmée, elle est de différentes catégories. Parmi les catégories d'intercession qui sont affirmées, il y en a certaines d'entre elles qui sont particulières au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ces intercessions-là, c'est uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va pouvoir les faire, tandis qu'il y en a d'autres catégories d'intercession qui sont mushtarak, yani, c'est-à-dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que d'autres prophètes, ou d'autres également parmi les créatures d'Allah qui vont pouvoir intercéder, pas seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les exemples de shafa'a qui sont communes au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à d'autres, comme par exemple à certains anges ou aux hommes pieux ou aux enfants qui sont morts lorsqu'ils étaient petits, qui auront droit d'intercéder. Donc ça, c'est des catégories, c'est certaines catégories qui sont communes à tous ces personnes-là. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il va commencer à les énumérer pour mentionner donc les différentes catégories d'intercession. Puis, il va spécifier celles qui sont particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam et celles qui sont communes aux autres également. Donc, il dit, ash-shafa'atul ula, الشفاعة العظمى فهو صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق يوم القيامة الشفاعة العظمى حينما يطول الموقف والحشر على الناس وهم وقوف على أقدامهم شاخصة أبصارهم حفاة عراة تدنو منهم الشمس ويأخذ منهم العرق في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيتقدمون يطلبون من يشفع لهم عند الله أن يريحهم من الموقف فيأتون إلى آدم عليه السلام ثم يأتون إلى نوح عليه السلام ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام ثم يأتون إلى موسى عليه السلام ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام فكلهم يعتذرون ويقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله فيعتذرون عن الشفاعة عند الله في هذا الموقف حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويتقدم إلى ربه سبحانه ويسجد بين يديه ويحمده بمحامد ويدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع فيشفع في أهل الموقف فيقبل الله شفاعته. Donc le cheikh il dit que les mushriks, donc il dit que la shafa'a, elle est de différentes catégories. Parmi celles qui sont particulières au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que il y aura la grande intercession au jour de la résurrection. Et cette grande intercession, c'est lorsque les hommes vont être réunis au jour de la résurrection et qu'ils vont avoir attendu longtemps, et après que Allah subhanahu wa ta'ala les a rassemblés, et ils sont debout sur leurs pieds, hein, et yani, ils sont les yeux baissés, le regard baissé, ils sont nu-pieds et ils sont nus, et le soleil est très proche de leur tête, et leur sueur, hein, coule. Certains d'entre eux même sont noyés dans leur sueur. Certains, yani, la sueur arrive à leurs genoux, d'autres arrivent, leur sueur arrive à leur taille, d'autres arrivent à leur cou, et d'autres même, ils sont complètement noyés dans leur sueur. Et ça, c'est selon les actions des individus. Hein. Et c'est un jour qui dure, hein, dont la durée est 50 000 ans. La durée est 50 000 ans. Ce jour-là est un jour dont la durée est 50 000 ans. Et donc, ils vont se mettre de l'avant et ils vont essayer de voir, c'est-à-dire les hommes qui sont réunis ce jour-là, ils essaient de voir qui va pouvoir intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour être reposés de cette longue attente. Parce que ils attendent que Allah subhanahu wa ta'ala débute le jugement. Hein? Donc, étant donné que ils sont fatigués et épuisés de cette longue attente, ils vont voir différents prophètes pour leur demander d'intercéder pour eux. Ils vont voir Adam, ils vont voir Nuh, ils vont voir Ibrahim, ils vont voir Moussa, ils vont voir Isa, et chacun d'entre eux, alayhi salatu wassalam, ils s'excusent et ils disent: on ne peut pas intercéder pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala est en colère aujourd'hui d'une colère qu'il n'a jamais eue auparavant et qu'il n'aura jamais non plus après ce jour. Donc, il s'excuse de pouvoir intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lors de ce moment. Donc, les gens vont se diriger vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a personne qui ose s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ils cherchent la personne qu'ils savent qu'elle va pouvoir s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après avoir demandé à tous les prophètes et de voir qu'ils ont refusé ou ils se sont excusés, maintenant ils vont demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Ana laha », c'est-à-dire « Elle est pour moi ». Hein, cette intercession. Donc, il va se rapprocher devant son Seigneur et il va se prosterner devant lui et il va le glorifier par des glorifications que Allah subhanahu wa ta'ala va lui inspirer, et il va l'invoquer et se rabaisser devant lui et s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, on va lui dire, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: « Oh Muhammad, relève ta tête. Demande et tu seras exaucé, et intercède et ton intercession sera acceptée. » Et donc, il va intercéder pour les gens à ce moment-là qui attendent, hein, pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement. Et donc, Allah va accepter son intercession. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفع إلا بعد الاستئذان وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيشفع هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. Donc le cheikh explique que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas demander l'intercession du premier coup. Il ne va pas demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala la permission d'intercéder. Il ne va pas demander la permission. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager, ne va pas intercéder directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va uniquement intercéder après avoir demandé la permission. Malgré que c'est le maître des créatures, c'est-à-dire le chef parmi les hommes, le meilleur d'entre les hommes, et malgré ça, il doit demander la permission à Allah subhanahu wa ta'ala avant d'intercéder. Et à partir de ce moment-là, là, il va intercéder de cette grande intercession qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, c'est-à-dire la position de gloire que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 79 dans sourate al-Isra. Hein? عسى ربك أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever dans ce statut ou dans cette position de gloire. Pourquoi on l'appelle al-maqam al-mahmoud? Pourquoi on l'appelle la position de gloire ou le statut de gloire? Pourquoi? Parce que tout le monde va glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là par rapport au fait qu'il les a permis, disons, de se reposer de la longue attente du jugement dernier. Donc les premiers et les derniers vont le remercier à cause de ça. Al-Shafa'atu Thaniya, la deuxième catégorie d'intercession qui est particulière au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Shafa'atuhu fi ahli al-Jannah, an yadkhulu al-Jannah, li'annahum idha ja'u ila al-Jannah, la yuftahu lahum ala al-fawr, fayastashfi'una بمحمد صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة فيشفع لهم فتفتح. قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لم يقل حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها كما في النار بل قال وفتحت أبوابها. فالمجيء شيء وفتح الأبواب شيء آخر. La deuxième catégorie d'intercession qui est particulière au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire entrer dans le paradis les gens du paradis. Lorsqu'ils arrivent devant les portes du paradis, les portes ne s'ouvrent pas automatiquement, c'est-à-dire les portes ne s'ouvrent pas immédiatement. Donc les gens demandent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour eux, pour que la porte du paradis leur soit ouverte. Et lorsqu'il intercède pour eux, les portes du paradis s'ouvrent. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Surat Az-Zumar, dans le verset 73, lorsqu'il dit « Hatta idha ja'uha » وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. C'est-à-dire, et lorsqu'ils y arrivent, et après on ouvre la porte pour eux. C'est-à-dire que le cheikh il mentionne ça pour dire que c'est pas la même chose par rapport à l'enfer, puisque lorsqu'ils arrivent, les gens de l'enfer, lorsqu'ils arrivent devant la porte de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَفُتِحَتْ, il dit, فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حَتَّى إِذَا جَاءُهَا فُتِحَتْ. Pour les gens de l'enfer, c'est-à-dire, ils arrivent et ça s'ouvre. Tandis que les gens du paradis, lorsqu'ils arrivent, ça ne s'ouvre pas tout de suite. Wafutihat. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour que la porte soit ouverte et c'est après que la porte est ouverte. Contrairement aux gens de l'enfer qui arrivent devant l'enfer et que la porte s'ouvre automatiquement. Ce n'est pas la même chose. Donc, le fait de venir devant la porte, c'est une chose, et le fait que la porte s'ouvre, ça c'est une autre chose, et l'ouverture de la porte vient avec l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-shafa'atu thalitha annahu yashfa'u sallallahu alayhi wa sallam li'unasin min ahli al-jannah fi rif'ati manazilihim fi al-jannah. Une autre, également une autre intercession qui est particulière au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il va intercéder pour des gens pour que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire c'est des gens qui vont au paradis, c'est-à-dire c'est des gens qui rentrent au paradis, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour eux pour les faire monter dans les degrés du paradis, d'accord? Donc ça c'est une intercession qui est encore une fois particulière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-shafa'atu rabi'a, la quatrième intercession qui est particulière au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib. Il dit شفاعته في عمه أبي طالب مع أن الشفاعة لا تنفع الكفار والله جل وعلا قال في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأبو طالب مات على الكفر ولكن نظرا لأن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يوفق للدخول في الإسلام وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وحرص على أن يدخل في الإسلام ولكنه أبى لأنه كان يرى أن دخوله في الإسلام فيه مسبة لدين آبائه حيث أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه، وإلا فهو يعترف أن محمدا على الحق وأن دينه هو الحق، ولكن منعته الحمية والأنفة لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك شعبة على قومه، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. Donc le cheikh explique, il dit que la quatrième catégorie qui est particulière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib. Malgré que on a expliqué déjà que l'intercession ne sera d'aucune utilité pour les kuffars. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des kuffars dans le Coran, dans le verset 48, dans Al-Muddathir, que l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. Sauf que Abu Talib, même s'il est mort sur le kuffr, du fait qu'il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il l'a défendu, et qu'il a été endurant avec lui face à la difficulté, et qu'il a été bon envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala permet au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire une certaine intercession pour son oncle. Et c'est pas une intercession pour le faire sortir de l'enfer, c'est une intercession uniquement pour faire diminuer son châtiment, uniquement pour faire diminuer son châtiment, parce qu'il a refusé d'entrer dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a présenté l'islam plusieurs fois, et il a eu un grand désir de faire en sorte à ce que son oncle entre dans l'islam. Il lui a présenté l'islam et il avait vraiment envie de voir son oncle accepter l'islam. Toutefois, son oncle considérait que s'il acceptait l'islam, ça allait être interprété comme une insulte envers la religion de ses ancêtres, et envers la religion des mouchriquines, et envers les idoles. Donc, il a refusé. Il a eu la fierté de la djahiliya, et il a eu la fierté pour la religion de ses pères, et il a refusé de témoigner de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Malgré qu'il reconnaissait que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était la religion de vérité, et il reconnaissait que c'était yani al-haq, mais à cause de cette fierté de la djahiliya, il a refusé, et il considérait que s'il se convertissait à l'islam, c'était une insulte pour son peuple. Et il a dit même dans un poème qu'il avait composé: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. C'est-à-dire, j'ai su que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était parmi les meilleures religions de la création. Il n'y a pas de meilleure religion que cette religion-là. Et si ce n'était pas de la crainte du blâme de mon peuple, ou la crainte de insulter mes ancêtres, j'aurais pas hésité d'accepter cette religion-là, et je l'aurais exprimée ouvertement. Donc, ça c'est la raison pour laquelle Abu Talib a refusé l'islam. Parce que lorsqu'il était, le cheikh il mentionne justement, il dit: فَقَدْ مَنَعَهُ الْمَلَامَةُ وَحَذَرَ الْمَسَبَّةُ عَلَى قَوْمِهِ وَلَقَدْ جَاءَهُ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي عبد الله ابن أبي أمية. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه قال وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فأنزل الله قوله: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الشيخ explique, il dit, il a refusé d'accepter l'islam parce qu'il avait peur de se faire blâmer par son peuple, hein, et il avait peur également l'insulte de son peuple. Donc, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le visiter au moment où il était dans son lit de mort, il est allé voir donc son oncle Abu Talib et lui a dit: oh mon oncle, dis la ilaha illallah, dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est une parole, hein, que si tu l'as dit, je vais essayer de te défendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu l'as dit. Et Abu Jahl et Abdullah ibn Ubay, ils étaient présents, ces deux parmi les mushrikoun. Abu Jahl, hein, un des grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des grands ennemis de l'islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dis la ilaha illallah, Abu Jahl et Abdullah ibn Umayya, ibn Abi Umayya, ils ont dit: est-ce que tu veux quitter la religion de Abdul Muttalib, c'est-à-dire la religion des mushrikoun? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété, hein, il a répété encore dis la ilaha illallah, et ils ont répété eux aussi: est-ce que tu veux quitter la religion d'Abdul Muttalib, hein? Et avant de mourir, il a dit: je suis sur la religion de Abdul Muttalib. Il a refusé de dire la ilaha illallah. Et donc, il est mort sur le shirk. Il a refusé de dire la ilaha illallah. Alors, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit: je vais demander à Allah pardon pour toi tant que je ne suis pas interdit, tant que Allah ne m'interdit pas de le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset justement pour lui interdire de le faire. C'est le verset 113 dans sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: il n'appartient pas aux prophètes ni à ceux qui ont cru de demander pardon pour les mushrikins, même si ce sont des proches, une fois que ça a été clarifié que ce sont des gens de l'enfer. Et également, il y a un verset qui a été révélé à propos de Abu Talib: innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. C'est le verset 56 dans sourate Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala dit: tu ne guides pas celui que tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et c'est lui qui connaît mieux ceux qui sont guidés. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في إخراجه من النار لأنه مخلد في النار كغيره من الكفار، ولكن يشفع في أن يخفف عنه العذاب فحسب، ويجعل في ضحضاح من نار، وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، فلا يرى أن أحدا أشد منه عذابا ومع أنه أخف أهل النار عذابا. Cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas intercéder pour faire sortir son oncle de l'enfer, parce qu'il va demeurer éternellement en enfer comme le reste des kuffars. Toutefois, il va intercéder pour que son châtiment soit diminuer seulement. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre dans une partie de l'enfer, et ses deux pieds vont être dans des chaussures chaussures en dessous desquelles il y a des charbons ardents qui le brûlent et qui font bouillir son cerveau, tellement ils sont chauds. Donc ça, c'est le châtiment qui est réservé à Abu Talib, et c'est le moindre dans les gens de l'enfer comme châtiment. C'est le moins grand parmi les gens qui sont châtiés dans l'enfer. Et lui, Abu Talib, quand il est dans l'enfer, il pense que c'est lui qui a le plus dur châtiment, alors que c'est le moindre de tous les gens qui ont des châtiments. Et il y a une catégorie, par exemple, parmi les yani soufis, par exemple, qui nient par exemple ces choses-là. Ils prétendent que ils prétendent que ils nient que Abu Talib par exemple sera en enfer, ils nient également que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront en enfer. Ils prétendent que soit qu'ils ils vont revenir à la vie, puis qu'ils vont accepter l'islam, des choses comme ça, mais c'est pas basé sur aucun dalil authentique, hein. Et en fait, ils prétendent ces choses-là, pourquoi? Parce que ils veulent essayer de justifier leur notion de la shafa'a, hein, le fait qu'ils prétendent que ils peuvent demander l'intercession pour les morts, et ils essaient de justifier ça du fait que si on dit que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus proche de lui, n'est pas sauvé, hein, par le fait qu'il est il a un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc comment quelqu'un d'autre parmi les gens qui ont fait du shirk ou qui ont fait des actes de kufr, comment pourraient-ils eux profiter également de l'intercession? Donc c'est, si c'est pas possible pour l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas possible également pour les autres. Cheikh dit فهذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أما الشفاعة في أهل الكبائر في أن يخرجوا من النار أو أن لا يدخلوها فهذه شفاعة عامة تكون للملائكة وتكون للأنبياء وتكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتكون للأولياء يشفعون لإخوانهم وتكون للأفراد يشفعون لآبائهم فهي شفاعة عامة له ولغيره عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit que également, donc il dit ça, ce sont les intercessions, les quatre qui sont particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait quatre. Il reste deux autres catégories d'intercession, c'est-à-dire l'intercession pour les gens parmi les musulmans qui ont des grands péchés, pour qu'ils ne rentrent pas en enfer, pour qu'ils rentrent au paradis, pour qu'ils soient pardonnés, et pour qu'ils ne rentrent pas en enfer, pour qu'ils aillent directement au paradis. Puis l'autre intercession ensuite, c'est l'intercession pour les musulmans parmi ceux qui ont des grands péchés, qui vont entrer en enfer, pour les faire sortir de l'enfer. Donc ça fait six catégories d'intercession. Et le cheikh, il dit que, donc en ce qui concerne l'intercession pour les gens qui ont des grands péchés, pour qu'ils sortent de l'enfer ou pour qu'ils n'y rentrent pas, s'ils méritaient d'y rentrer, eh bien, ces deux catégories d'intercession-là sont générales, c'est-à-dire elles ne sont pas particulières au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles sont pour les anges, c'est-à-dire les anges vont intercéder, de même que les autres prophètes, wa alaykoum salam wa rahmatullah, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les hommes pieux, les awliya vont intercéder pour les croyants et pour leurs frères, de même que les enfants qui sont morts à bas âge, hein, ils vont intercéder pour leurs parents. Et donc ça, c'est des intercessions générales pour autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour d'autres que lui également, ok. Donc ça, c'est ce qui a rapport avec les questions de Shafa'a. Et il faut comprendre aussi, juste par rapport à la question que le cheikh il mentionne, les awliya, quand il dit les awliya, c'est le pluriel de wali. Ça veut dire, des fois on le traduit comme étant ou comme signifiant les saints, d'accord. Puis des fois, en traduisant le terme wali par le terme saint, ça crée des ambiguïtés dans l'esprit des gens, parce qu'ils s'imaginent que c'est un principe ou que c'est quelque chose qui se rapproche de la sainteté chez les catholiques ou chez les chrétiens, alors qu'en islam il n'y a pas de cette catégorie de sainteté, c'est-à-dire il n'y a pas cette notion de sainteté comme les chrétiens le conçoivent, c'est-à-dire des hommes qui deviennent des intercesseurs entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on peut invoquer ou adorer en dehors d'Allah comme le font par exemple les chrétiens. Toutefois, chez un groupe parmi les gens de l'égarement, comme par exemple les soufis, eux, ils ont inventé une catégorie de sainteté copiée sur celle des chrétiens, d'accord. Et ils prétendent donc que ces hommes pieux, qu'ils appellent des awliya, donc ont la capacité justement d'intercéder pour les hommes. Donc on peut prier pour, on peut leur demander l'intercession ou leur demander des choses dans leur tombe, après leur mort. Donc ça, c'est sans aucun doute une forme de shirk. Et non seulement ça, c'est qu'ils ont attribué à ces hommes qu'ils appellent des awliya des caractéristiques divines, hein, comme j'ai déjà expliqué ça dans les cours précédents. Ils pensent que premièrement, pour être un wali pour les soufis, chez les soufis, hein, pour être un wali, il faut être parfait, c'est-à-dire, selon eux, un wali ne doit jamais commettre de péché, il doit être parfait, il doit connaître l'invisible, il doit faire des miracles à volonté, hein, et doit avoir des pouvoirs surnaturels. Ça, c'est la notion des soufis, hein, par rapport au wali. Hein. Pour eux, la wilaya, c'est pas quelque chose, yani, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui s'acquiert en faisant, par exemple, en fait, pour eux, les walis, c'est quelque chose qui, non seulement que, yani, ils pensent que, en fait, pour eux, un wali, c'est quelque chose que le wali lui-même, il peut le donner à qui il veut, à volonté. C'est ça ce que je veux dire, en fait. C'est un peu compliqué parce que leur notion de wilaya est un peu bizarre. Il y a même une histoire qui est mentionné qu'il y a un wali qui est sorti de chez lui, puis il a regardé un chien. Et ce chien est devenu un wali pour les autres chiens. et après, lorsqu'il est mort, ce chien, eh bien, tous les autres chiens venaient autour de sa tombe et puis ils se mettaient autour. Donc, il y a des histoires bizarres comme ça que vous trouvez dans les livres des soufis. C'est-à-dire qu'avec un seul regard, il peut te faire devenir un wali ou des choses de ce genre, ou bien que ça se transmet de père en fils, hein, qu'ils peuvent décider, que, comme par exemple, un wali, s'il est un grand wali, quand il meurt, eh bien ses enfants deviennent des walis. Ça, c'est un peu qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans certains pays. Et en Afrique de l'Ouest, par exemple, on retrouve cette notion-là, par exemple, ceux qu'ils appellent des marabouts et des choses de ce genre, ils pensent que ça se transmet d'un père à un fils. Et donc, on remarque que ces gens-là, par la suite, deviennent, pour les gens, presque des dieux, Yann. Et ils les élèvent et ils les adorent. Et j'ai vu même dans certaines vidéos qui ont été faites, Yann, on voit que dans certaines rencontres, le cheikh, il est assis sur une chaise et les gens qui rentrent dans la pièce, ils rentrent à quatre pattes devant lui et ils lui embrassent les pieds et la main. Donc ça, c'est des exemples de ce qu'ils font, par exemple, pour ceux qu'ils considèrent être des awliya. Alors que dans la vérité, tout musulman est un wali. La vérité, c'est que tout musulman est un wali. Sauf que, bien entendu, il y a des niveaux et des degrés différents de foi. Et donc, être un wali, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire être quelqu'un qui est proche d'Allah, ou rapproché d'Allah, hein, un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, il dit, Allah inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Et il dit, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Pour être un wali, il y a deux conditions. C'est-à-dire, il faut croire et il faut craindre Allah. D'accord? Si tu crois en Allah et tu crains Allah, tu crois en l'islam et tu crains Allah, t'es un wali. Et c'est pas une condition pour que tu sois un wali que tu ne fasses aucun péché. Du moment que tu te repens après avoir commis le péché, tu es quand même un wali. Donc ça veut dire que tu as commis le péché, après tu t'es repenti, tu es un wali quand même. Tu ne sors pas de l'islam pour avoir commis un péché, tu ne sors pas de la wilaya. Et ce n'est pas une condition non plus de faire des miracles à volonté. Certains d'entre les soufis sont allés jusqu'à étudier la magie et à faire de la sorcellerie pour faire croire aux gens qui croient justement que d'être un wali c'est de faire des miracles, hein? Ils sont allés jusqu'à étudier la sorcellerie et la magie pour justement faire des choses surnaturelles pour tromper les gens, pour leur faire croire qu'ils sont des awliya. Et ils disent que si quelqu'un n'est pas capable de faire des miracles, il n'est pas un wali. Donc ça, c'est pour ça que par la suite vous voyez par la suite des soufis qui sont dans la sorcellerie et dans la magie, hein? Donc ça, c'est des exemples d'égarement de la part de ces gens-là. Et ils pensent qu'ils connaissent le rêve, et ils pensent qu'ils peuvent faire tomber la pluie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Si vous lisez dans les livres des soufis et dans leurs écrits, vous allez voir que c'est c'est eux-mêmes qui mentionnent ces choses-là dans leurs livres. Hein? Et il y a beaucoup de documentation à ce sujet-là, de toute façon, pour quelqu'un qui veut se renseigner. Et même dans les livres des spécialistes, par exemple, parmi les koufars qui étudient le soufisme, ils mentionnent ces choses-là dans leurs livres. Parce que, en passant, c'est quelque chose qu'on remarque, que les koufars donnent beaucoup d'importance au soufisme et à l'étude du soufisme. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que dans le soufisme, il y a un rapprochement vers eux et vers le christianisme et vers leur religion d'égarement. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent justement à faire la propagation de cette voie-là chez les musulmans et à les élever pour faire en sorte justement que les musulmans se tournent ou se dirigent vers cette voie-là. Et comme j'ai mentionné dans les cours précédents même, ils ont offert aux koufars à travers l'histoire beaucoup de services contre l'islam et contre les musulmans. نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit وهذا ملخص هذا ملخص ما يقال في الشفاعة قل الناظم رحمه الله تعالى قل وقل في عذاب القبر حق موضح هذا سبق بيانه في مسألة عذاب القبر. En ce qui concerne la parole de l'imam Ibn Abi Daoud au sujet du châtiment de la tombe, que c'est quelque chose qui est vrai et qui est clarifié, ça c'est quelque chose qu'on a déjà expliqué lorsqu'on a parlé de Munkar et Nakir, qui descendent pour poser les questions aux morts. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera donc après l'Asr bi'ithnillah la suite. Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.